comprendre la Chine par son histoire. Bonjour et bienvenue à cette 28e émission de Prendre la Chine par son histoire. Carl Léry au microphone, et il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir à nouveau cette semaine, alors que nous allons débuter aujourd'hui le 11e chapitre de notre histoire de la Chine à dos de tortue. Mais avant de s'y lancer, je veux prendre quelques minutes pour continuer un peu sur le thème de l'actualité. Alors que la guerre en Iran se poursuit et que je vous disais essentiellement deux choses à ce sujet la semaine dernière. D'une part, je mentionnais que la Chine tente de jouer un rôle de médiation pour y faire cesser les hostilités. Et d'autre part, j'évoquais la possibilité de voir cette guerre comme une forme de moyen de pression des États-Unis contre la Chine visant à affaiblir ses approvisionnements en hydrocarbures en vue des négociations commerciales à venir entre les deux géants. Puisqu'il y a un sommet de prévu prochainement entre les États-Unis et la Chine, alors que Trump devrait aller rencontrer Xi Jinping à Pékin du 31 mars au 2 avril prochain, il s'agit là d'un thème sur lequel nous reviendrons certainement sous peu. Au sujet du rôle de médiation que la Chine voudrait jouer au Moyen-Orient, on n'y trouve à peu près aucune nouvelle à ce sujet dans les médias occidentaux. Alors que dans certains médias chinois, incluant le China Daily, et surtout sur le site du ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, on y trouve plusieurs informations très instructives. On y apprend, par exemple, que le ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, se serait entretenu au téléphone sur cette question avec 11 de ses homologues au cours des 10 derniers jours, venant de Russie, Oman, Iran, Israël, France, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Koweït, Bahreïn, Qatar et Pakistan. La majorité étant des pays qui bordent le golfe Persique et le fameux détroit d'Ormuz dont nous parlons tant. On apprend aussi que la Chine a dépêché l'envoyé spécial Chai Chun au Moyen-Orient et que ce dernier aurait rencontré le 8 mars dernier le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, Faisal Ben Farhan Al Saoud, ainsi que le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, un dénommé Jazem Mohamed Al-Boudaoui. Finalement, comme source d'information sur cette volonté de jouer un rôle de médiateur, on retrouve aussi, toujours sur le site du ministère des Affaires étrangères, les textes des conférences de presse tenues à Pékin, alors que les porte-paroles du ministère, que ce soit Guo Jiakun, Mao Ning ou Ning Tian, répondent aux questions des divers groupes médiatiques internationaux. Prenons par exemple la conférence de presse du 10 mars dernier, animée par Guo Jiakun, et faisons un petit exercice d'analyse afin de donner un aperçu de la diversité des questions posées. Sur 10 questions posées pendant la conférence, il y en avait une par le China News Service, la deuxième agence en importance en Chine derrière l'agence Xinhua. Deux questions venaient du monde arabe, soit les agences Al Arabi Television et Ashark News. 4 questions venaient de la Turquie, de la voix de Anadolu Agency. Pour terminer avec 2 questions venant de l'AFP, soit l'agence France Presse et une question de Bloomberg, la maison mère de l'agence de presse Reuters. Notons ici que plusieurs des articles que nous trouvons dans nos médias au sujet de la Chine viennent soit de l'AFP, l'agence France Presse, soit de Reuters. Plusieurs raisons aident à comprendre pourquoi on trouve si peu d'informations dans les médias occidentaux sur les efforts de médiation de la Chine dans le conflit actuel au Moyen-Orient. Si on laisse de côté l'idée générale voulant que, par nature, la diplomatie est toujours plus silencieuse que le bruit des bombes, on peut aussi suggérer le manque d'intérêt spécifique sur la question en tant que telle. Par exemple, Quand on observe le thème des questions posées, on voit que 7 questions sur 10 portaient spécifiquement sur la guerre en Iran, soit les questions posées par les agences de Chine, du monde arabe et de la Turquie. La question du groupe Bloomberg portait sur les partenaires économiques entre Taïwan et l'étranger, et les questions de l'AFP portaient sur l'ouverture d'une ligne ferroviaire entre Pékin et Pyongyang en Corée du Nord, puis sur la convocation récente des géants du commerce international par container maritime, à savoir les compagnies Maersk et MSC. Évidemment, on ne devrait tirer aucune conclusion sur une seule conférence de presse. Mais déjà, on voit ici un exemple de la diversité des médias qui posent les questions, ainsi qu'une diversité des thèmes abordés. Simplement pour illustrer l'étendue de cette diversité, lors de la conférence du 11 mars, on trouvait 7 questions posées, dont 2 par des médias chinois, 2 par l'agence PTI en Inde, 2 par l'AFP et 1 par Bloomberg. Sur le lot, 5 questions touchaient à divers aspects de la guerre d'Iran, et la plus précise quant à notre propos venait de l'agence indienne PTI, qui voulait savoir spécifiquement si les efforts de médiation touchaient seulement les pays limitrophes du Golfe Persique et du détroit d'Ormuz, ou si la Chine était aussi entrée en contact avec Israël et les États-Unis. La réponse fut laconique et mentionnait les discussions avec Israël, mais rien avec les États-Unis. De toute évidence, il faudra attendre encore quelques semaines avant que les deux géants ne se parlent à ce sujet et que les échos de leurs discussions ne transparaissent sur la place publique. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'en reparler au cours des prochaines semaines, mais pour l'heure, il est temps pour nous de donner le ton à cette émission avec une première pièce musicale. Puisqu'on entre aujourd'hui dans un chapitre de l'histoire de la Chine qui souligne de nouvelles possibilités qui se mettent en place, c'est le thème que j'ai choisi pour lier entre elles les différentes pièces choisies, le thème des possibilités. À cet égard, le titre de la première chanson est l'expression qui dit le mieux cet état de fait puisque le titre est « Könnung », ce qui signifie « peut-être ». C'est une chanson qui multiplie les interrogations sur les différentes possibilités qu'on peut trouver à différents endroits de la Chine, au nord, au sud, dans différentes villes, et les différentes possibilités d'expérience qu'on peut y vivre ou non, ici ou ailleurs, maintenant ou plus tard. Voici donc la chanson « Könnung » composée par Ning Chue dans une version interprétée par Cheng Xiang. Oh, nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous sommes prêts à commencer le chapitre 11 de notre histoire de la Chine à dos de tortue. Un chapitre qui portera sur les transformations opérées en Chine suite aux guerres de l'opium du 19e siècle. Chapitre mettant en scène de nouvelles possibilités, comme la chanson que nous venons tout juste d'entendre vient de l'énumérer en détail avec des kenong par-ci et des kenong par-là. C'est un chapitre qui s'intitule « Le mouvement des choses de l'Occident ». Et le chapitre est divisé en quatre parties distinctes. D'abord, nous verrons de manière générale le mouvement des choses de l'Occident. Puis, après avoir abordé les principaux efforts qui furent mis en œuvre, nous verrons quelques événements qui nous aident à mieux comprendre les résultats de cette tentative de modernisation. Ces événements sont la guerre sino-japonaise, les 100 jours de Guangxu et la révolte des boxeurs. Finalement, nous verrons le dernier effort de modernisation des Qing au début du 20e siècle, pour ensuite aborder en fin de chapitre l'importance du rôle joué dans cette vaste transformation par les villes portuaires et la nouvelle intelligentsia. Les guerres de l'opium que nous avons vues au chapitre précédent ont eu un impact considérable, non seulement en Chine, mais aussi pour l'ensemble des pays de l'Asie de l'Est. Sans entrer dans les détails sur le sujet, disons que parmi les motivations principales qui ont poussé le Japon à se lancer à fond dans la réforme et la modernisation de Meiji, il y avait la volonté de ne pas subir le même sort que celui subi par la Chine au 19e siècle. La Chine, qui a longtemps été perçue comme le cœur de la civilisation est-asiatique et comme la grande puissance régionale, se retrouvait subitement terrassée militairement par des populations qu'on considérait jusqu'alors des barbares, et qui imposaient sans vergogne leur volonté à l'Empire du Milieu. Pour la Chine, c'est la deuxième guerre de l'opium qui a fait déborder le vase et qui est parvenue à convaincre les autorités impériales qu'elles devaient réagir et s'adapter pour mieux comprendre la nouvelle réalité internationale qui se dessinait alors en face d'elles. C'est dans ce contexte qu'un mouvement de transformation et de modernisation fut lancé en Chine, visant à s'adapter aux défis posés par la présence de l'impérialisme européen, et ce mouvement se nomme le mouvement des choses de l'Occident. Il existe différentes appellations pour parler de ce vaste mouvement de modernisation qui se met en place dans la Chine des Qing à partir de 1860. Et cette diversité d'appellations nous aide à mieux comprendre la complexité du mouvement en tant que tel. Essentiellement, dans l'historiographie francophone, on parle du mouvement des choses de l'Occident ou du mouvement d'auto-renforcement, qui sont des traductions pratiquement littérales des concepts chinois Yang Wu Yun Tong et Zi Jiang Yun Tong. Si on tente d'expliquer brièvement la nature et le fonctionnement de ce mouvement, on constate d'abord qu'il s'agit d'un vaste mouvement de transformation de la Chine, en particulier de ses capacités de résistance, dont l'objectif principal est le renforcement des capacités militaires du pays, d'où l'expression « zijiang », signifiant « auto-renforcement ». Le but recherché est donc fondamentalement de ne pas revivre les défaites militaires que la Chine des Qing a subies dans le cadre des deux guerres de l'opium. Et on veut donc être en mesure de résister en face de la puissance militaire des impérialistes occidentaux. Or, pour y parvenir, la Chine se met à l'école de l'Occident, d'où le terme « Yang Wu », signifiant « les choses de l'Occident ». Tout simplement parce que ce sont eux qui ont les armes les plus puissantes et les technologies militaires les plus avancées et les plus performantes à l'époque. Parmi les devises les plus connues qui reflètent le mieux ce mouvement de transformation, on retrouve en tête de liste l'expression « Chongti Siyong », qu'on traduit par « la Chine comme essence, l'Occident comme moyen ». C'est une manière toute simple de dire que l'objectif du mouvement était en quelque sorte d'utiliser les techniques occidentales afin de pouvoir préserver l'essence de la civilisation de la Chine. Quand on y regarde à fond, il y a deux facettes principales au mouvement des choses de l'Occident. Et celles-ci sont la diplomatie, dans un premier temps, puis la technologie. Ce sont là les deux dimensions sur lesquelles les souverains manchous mettront une emphase particulière. D'abord, sur le plan de la diplomatie, notons que c'est le prince Gong qui est en charge de la plupart des négociations avec les puissances impérialistes. Et la première étape majeure de la transformation de la Chine vient avec la mise sur pied en 1861 du Zhongliyamen, qui est en fait un bureau des affaires étrangères. C'est la première fois dans toute l'histoire de la Chine qu'un bureau ou un ministère est spécifiquement dédié à la gestion des affaires étrangères. Et une des particularités à ne jamais perdre de vue, c'est que le bureau est mis sur pied dans une perspective de crise diplomatique. Et donc, la visée principale du Zhongliyamen est simplement la résolution de cette crise. Ce qui signifie qu'on projette la mise sur pied d'un établissement temporaire qui devrait seulement servir à corriger une situation problématique et non un établissement permanent voué à changer des pratiques de manière définitive. En bref, la dynastie Qing ne croit pas vraiment au besoin de changer fondamentalement. Les fonctions principales du Zhongliyamen sont de gérer les négociations diplomatiques et de mettre sur pied des écoles modernes, qui permettront l'apprentissage des savoirs occidentaux jugés essentiels à acquérir afin de renforcer la Chine. Tout ça doit débuter avec la mise sur pied d'écoles de langue, qu'on appelle à l'époque Tongwenguan. Celle-ci s'avère essentielle, d'une part parce qu'on cherche à comprendre ce qu'on pourrait appeler l'enchevêtrement diplomatique dans lequel la dynastie Qing a été plongée depuis la ratification du traité de Nanking de 1842. Ce qui implique donc une volonté de mieux comprendre les lois internationales et les pratiques défendues par les pays occidentaux. D'autre part, l'étude des langues étrangères devient fondamentale à partir du traité de Tianjin de 1858, puisque ce traité contenait une clause spécifique qui visait à éliminer tous les malentendus d'interprétation, disant essentiellement que s'il y avait malentendu entre la version anglaise et la version chinoise du traité, la version anglaise aurait préséance. Une première école de langue fut donc mise sur pied à Pékin en 1862. Puis des écoles similaires furent ensuite établies à Shanghai en 1863, Canton en 1864, puis Fuzhou en 1866. Dans ces écoles, on y apprenait l'anglais, le français, l'allemand, le russe et le japonais, ainsi que quelques matières jugées pertinentes, triées sur le volet, incluant la chimie, les mathématiques et bien sûr les lois internationales. Les écoles étaient financées par les douanes impériales récemment mises en place et elles étaient administrées par des professeurs étrangers, incluant par exemple W.A.P. Martin, qui était à la présidence de l'école de Pékin à partir de 1869. L'objectif principal de ces écoles, c'était de préparer les étudiants en vue d'une carrière diplomatique. Et celles-ci, les écoles, connurent un succès mitigé, alors qu'on y compta un maximum de 125 étudiants en 1888. Comme autre exemple des succès limités du Tongwenguan, alors que celui-ci avait notamment pour fonction la traduction d'ouvrages en langue étrangère, on comptait seulement 17 livres traduits en 1873 et un total de 22 en 1888. Parmi les ouvrages importants qui furent traduits en chinois à cette époque, notons le célèbre livre de Henry Wheaton, Elements of International Law, qui était alors parmi les plus influents sur le sujet. Mis à part les écoles de langue comme le Tongwenguan, le Zhongliyamen avait aussi pour fonction l'envoi de missions diplomatiques à l'étranger, dont la plus célèbre est certainement la mission de Pingchun de 1866. Il s'agit d'une mission d'exploration dont l'objectif principal était d'étudier le fonctionnement des systèmes politiques étrangers et l'établissement d'ambassades chinoises dans ces pays. De nombreuses capitales européennes furent visitées lors de la mission de 1866, incluant Londres, Copenhague, Bruxelles, Stockholm, Paris, Berlin et Saint-Pétersbourg. Comme résultat de cette mission d'exploration diplomatique, une première ambassade chinoise fut établie à Londres en 1877. Mis à part cette dimension strictement diplomatique, le Zhongliyamen a aussi mis sur pied des missions à l'étranger qui avaient pour but l'envoi d'étudiants chinois afin qu'ils soient formés dans les écoles occidentales. Il y eut par exemple un programme d'étudiants chinois à Hartford, au Connecticut, qui a débuté en 1872 avec 30 étudiants, atteignant 120 étudiants en 1875 pour finalement être aboli en 1881. À noter que ces étudiants chinois n'étaient pas les premiers à se rendre aux États-Unis, puisqu'un dénommé Yong Wing arriva en 1847 pour ses études et il fut gradué de l'Université Yale en 1854. Le programme d'échange avec les étudiants chinois fut abandonné pour plusieurs raisons, dont le fait que les autorités chinoises étaient beaucoup trop conservatrices et rigides dans leurs visées et leurs exigences. Et surtout le fait que les autorités américaines refusaient systématiquement que les étudiants chinois puissent avoir accès aux écoles militaires et navales, ce qui était l'objectif de la dynastie Qing. Avant de poursuivre avec les autres fonctions du Zhongliyamen, on va tout de suite se tourner vers une deuxième pièce musicale qui nous replonge, et c'est le cas de le dire aujourd'hui, au cœur des traditions culturelles manchoues. La chanson s'intitule « Le tribut de l'esturgeon chinois », un poisson immense qui était parfois offert en tribut aux souverains par les vassaux à l'époque de la dynastie Qing. C'est un poisson immense qu'on retrouve dans les régions du nord-est de l'Asie et dont la taille peut parfois dépasser les 3 mètres de longueur et même atteindre plus de 600 kilos. La pêche à l'esturgeon chinois était donc une activité de groupe très ritualisée et on perçoit même cet esprit de collaboration vers la fin de la chanson, alors qu'on a presque l'impression de les entendre chanter en chœur « Oh, is! Oh, is! Oh, is! » comme s'ils essayaient de remonter une grosse prise à la surface. Parce qu'il n'y a jamais de prise qui soit trop grande quand on sait comment s'y prendre. Et parce que nul défi n'est trop vaste à accomplir, voici donc le tribut de l'esturgeon chinois, et nous, on se retrouve tout de suite après la pause. Ajin nimcha biadrsa ma mukde